James Bryn Andrews, le roi d'Angleterre. Il y avait une fois un mari et une femme. Ils étaient pauvres et ils habitaient dans une campagne. Ils eurent un enfant, mais personne pour être le parrain. Alors ils décidèrent d'aller dans la ville la plus proche, mais comme ils n'y connaissaient personne, ils ne purent le faire baptiser. Enfin, ils trouvèrent un vieillard sur la porte de l'église et ils lui dirent « Brave homme, pourriez-vous me faire le plaisir de me servir de parrain pour cet enfant ? Et nous ferons de l'église la marraine. » Ce vieux dit « Bien volontiers. » Alors on baptisa l'enfant. Après, ils sortirent et s'enfuirent dans une auberge pour manger. Puis le vieillard fit une lettre et dit au père d'élever l'enfant et de lui donner de l'éducation. Et, lorsqu'il saurait lire, de lui donner la lettre et de lui dire de venir le trouver. Après avoir dit cela au père, le vieillard s'en alla. Alors le père et la mère élevèrent l'enfant et le mirent à l'école, et voyant qu'il apprenait bien, lorsqu'il eut 15 ans, ils lui donnèrent la lettre. Sur cette lettre, il y avait écrit que l'enfant devait aller trouver son parrain, qui était le roi d'Angleterre, et que dans le voyage qu'il ferait, il aurait à se garder d'un bossu, d'un boiteux et d'un teigneux. Le garçon, après avoir lu la lettre, dit « Mon père, je pars et je vais trouver mon parrain. » Et son père lui donna de l'argent et un cheval. Le jeune homme partit. Il fit 3 ou 4 journées de chemin et rencontra un homme qui lui dit « Beau jeune homme, où allez-vous ? Je vais en Angleterre. Et moi aussi, nous nous tiendrons compagnie. » Lorsqu'ils eurent cheminé ensemble, pendant quelque temps, le jeune homme s'aperçut que de temps à autre, son compagnon clignait de l'œil. Alors, il l'abandonna, pensant que c'était le bossu dont on lui avait dit de se garder. Note, il y a ici apparemment confusion de 2 personnages, un louche et un bossu, causés probablement par 2 variantes du conte. Il continua sa route et après 2 ou 3 journées de chemin, il rencontra un autre homme et lui dit la même chose qu'à l'autre. Mais s'étant aperçu qu'il était boiteux, il le laissa. Il fit encore une même quantité de chemin et rencontra un autre homme qui était teigneux, mais il avait la perruque si bien arrangée qu'il ne put s'en apercevoir. Et il l'accepta pour compagnon. Ils arrivèrent le soir à une auberge, ils mangèrent et ils burent, et puis ils demandèrent à être logés ensemble. Le jeune homme, qui était à cheval, remit tout son argent à l'aubergiste pour qu'il le gardât jusqu'au lendemain. Dans la nuit, le teigneux se leva et s'en fut chez l'aubergiste et lui dit « Mon maître a dit que vous me donniez l'argent et le cheval. » Et il s'en alla. Le jeune homme, le matin, se leva et alla chez la patronne pour se faire rendre l'argent et le cheval. La patronne lui dit « Votre domestique cette nuit est venu. Il a tout pris et il est parti. » Et le jeune homme se mit à pleurer et se dit « Le teigneux m'a joué. » Et il partit à pied. En route, il vit son cheval attaché à un arbre et il l'alla pour le prendre. En ce moment, le teigneux parut armé d'un grand pistolet. « Il faut que tu me serves de domestique et que tu fasses ce que je veux. Sinon, je te tue et tu ne pourras me faire reconnaître que 3 jours après ta mort. » Et ils partent, le maître à pied et le teigneux à cheval. Et ils arrivent en Angleterre. Le teigneux se fit passer pour le filleul et l'autre pour son domestique. Il fit placer le jeune homme comme garçon d'écurie. Alors, quand le roi eut vu celui qu'il croyait son filleul, il y eut de grandes fêtes. Laissons aller ceux qui s'amusent et revenons au jeune homme qui était à l'écurie avec son cheval et qui pleurait du matin au soir. Son cheval était sorcier et il lui disait « Prends courage, car tu sortiras d'ici et tu en viendras à bout. Viens quand tu entendras le roi en conversation avec le teigneux. » Un jour, le roi dit au teigneux « J'ai une fille innocente là-bas, sur une île, et s'il y avait quelqu'un qui voulut aller la délivrer, je la lui donnerais en mariage. » Alors, le teigneux lui dit Il y aurait mon domestique qui serait capable d'aller la délivrer. Alors le roi l'envoya chercher de suite et le fit monter au palais. Il lui dit « Seriez-vous capable d'aller délivrer ma fille ?» Il répond « Je ne sais pas où est votre fille pour aller la sauver. » Le roi lui dit « Il faut vous tirer d'affaire. Je vous donne 3 jours de temps et si vous n'en êtes pas capable, je vous fais mettre à mort. » Alors il s'enfuit dans l'étable et se mit à pleurer. Son cheval lui dit « Qu'as-tu à pleurer ?» Et il répond « Si tu savais, le roi m'a dit qu'il faut que j'aille sauver sa fille, sinon qu'il me ferait tuer. Où veux-tu que j'aille chercher sa fille ?» Le cheval lui dit « Imbécile, dis-lui que oui et qu'il te fasse un navire à 3 étages. » Ainsi il fit et le roi lui fit faire le navire. Dès que le navire fut fait, le roi le fit appeler et lui dit « Le navire est fait et prêt à partir. » Il lui répond « Attendez un instant que je vous fasse réponse. » Il va à l'écurie et il dit au cheval « Tout est prêt et il faut partir. Il faut que tu me dises ce qu'il faut mettre sur le navire. » Le cheval lui dit « Dis-lui qu'il charge le premier pont du navire avec des noix, le second de blé, le troisième de quenouille. » Ainsi il fit. On chargea le navire et le roi lui dit « Demain matin, il faut partir et sur la plage, il y aura tous mes matelots et tu en choisiras autant qu'il te fera plaisir. » Alors, il s'en fut à l'écurie et le cheval lui dit « Demain matin, avant de partir, le roi te dira « Prends les hommes qu'il te plaît et tu verras un vieillard à côté de toi et tu diras « Je ne prends que celui-là, seul pour me tenir compagnie. Cet homme, ce sera moi. » Ainsi il fit, et le lendemain ils partirent. Ils naviguèrent 3 mois. Ils virent un lumignon, et ils s'approchèrent de terre, et ils arrivèrent dans un port où on leur fit « Quelles marchandises apportez-vous ? » Ils répondirent « Nous apportons des noix. » Et de terre on leur répondit « C'est une bonne marchandise pour nous. » Dans ce lieu, il n'y avait que des rats qui dirent « De l'argent, nous n'en avons point pour vous payer. Quand vous aurez besoin de nous, vous n'aurez qu'à dire « Rat, beau rat, venez tous à notre secours. » De là, ils partirent. Ils marchèrent encore autant. Un soir, ils voient encore un lumignon. Ils s'approchent de terre et on leur dit « Que portez-vous ? » « Du blé. » « Bonne marchandise pour nous. » En déchargeant, les fourmis leur dirent les mêmes paroles que les rats. De là, ils partirent et ils marchèrent encore autant. Un matin, ils aperçurent une île et le vieillard dit au jeune homme « Tu vois cette maison, sur cette montagne, c'est là que se trouve la fille du roi. Il faut aller là-haut et tu frapperas à la porte et tu diras « Je suis venu sauver la fille du roi d'Angleterre et tu verras ce qu'on te dira. » Et il fit ainsi. Il alla là-haut et il vit une grande dame qui lui dit « Si vous voulez la fille du roi, il faut commencer par détruire cette montagne qui est ici, devant ma maison, de ce soir à 6 heures, à demain matin 6 heures. » Il alla là-haut et il appela tous les rats. Et le matin, le travail était fait. Alors cette femme l'emmena dans une chambre qui était pleine de blé mélangé avec du riz et lui dit « Demain matin à 6 heures, il faut que tout cela soit séparé. Le blé d'une part et le riz de l'autre. » Il appela toutes les fourmis à son secours. Et le lendemain, tout était séparé. Cette dame l'emmena alors dans un autre magasin qui était plein de chanvre. « Il faut que demain matin, tout ce chanvre soit filé. » Il alla là-bas chercher toutes ses quenouilles. Et le vieillard lui dit « Celle-ci, tu la prendras toi-même. » Et quand tu seras là-haut, tu lui diras « Quenouille, belle quenouille, je veux que toutes les autres quenouilles se mettent à filer. » Tout cela se fit. Alors cette dame le conduisit dans une chambre où était la fille du roi. Voilà, elle est délivrée et vous pouvez l'emmener. Ils partirent et se dirigèrent vers l'Angleterre. Le roi, qui attendait depuis 2 ans qu'ils étaient partis et qu'ils n'arrivaient pas, vit un beau jour un navire avec le drapeau anglais. On reconnut que c'était le navire qui arrivait. Quand ils débarquèrent au port, Le roi qui vit sa fille se mit à l'embrasser et à la baiser, et enfin, il la donna au jeune homme comme épouse. Il arriva ensuite qu'il fut reconnu que celui qui l'avait sauvé était le filleul, et l'autre, le teigneux. On fit prendre et conduire ce dernier sur la place, avec 10 tonneaux de goudron, et on le brûla, en face de tout le monde. Et les autres firent un grand dîner, et donnèrent des divertissements, et ils se remplirent de paix et d'amour. S'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. Conté par Johannina Piombo, dite la Mauva. Fin du conte du roi d'Angleterre, collecté par James Bryn Andrews.